C'était un grand désert sauvage, tout hérissé de plantes bizarres, de ces plantes d'Orient qui ont l'air de bêtes méchantes. Sous le jour discret des étoiles, leur ombre agrandie s'étirait par terre en tous sens. À droite, la masse confuse et lourde d'une montagne, l'Atlas peut-être. À gauche, la mer invisible qui roulait sourdement. Un vrai gîte à tenter les fauves. Un fusil devant lui, un autre dans les mains, Tartarin de Tarascon mit un genou en terre et attendit. Il attendit 1 heure, 2 heures, rien. Tout à coup, à quelques pas devant lui, quelque chose de noir et de gigantesque s'abattit. Il se tut. Au coup de feu du Tarasconnais, un hurlement terrible répondit. « Il en a !» cria le bon Tartarin. Et ramassé sur ses fortes jambes, il se préparait à recevoir la bête. Mais elle n'en avait plus que son compte et s'enfuit au triple galop en hurlant. La terre était humide, la nuit devenait fraîche, la bise de mer piquée. « Je faisais un somme en attendant le jour, » se dit-il. Et pour éviter le rhumatisme, il eut recours à la tente abri. Mais voilà le diable, cette tente abri était un système si ingénieux, qu'il ne put jamais venir à bout de l'ouvrir. Ta-ta-da, ta-ta! Quesaco, fit Tartarin, s'éveillant en sursaut. C'était les clairons des chasseurs d'Afrique qui sonnaient la diane dans les casernes de Mustapha. Le tueur de lions, stupéfait, se frotta les yeux. Lui qui se croyait en plein désert. Savez-vous où il était? Dans un carré d'artichaut, entre un plant de chou-fleur et un plant de betterave. Ces gens-là sont fous, se disait-il, de planter de l'artichaut dans le voisinage du lion, car enfin, je n'ai pas rêvé. Les lions viennent jusqu'ici. En voilà la preuve. La preuve, c'était les taches de sang que la bête en fuyant avait laissées derrière elle. Penché sur cette piste sanglante, l'œil aux aguets, le revolver au poing, le voyant tarasconnais arriva, d'artichaut en artichaut, jusqu'à un petit champ d'avoine. De l'herbe foulée, une mare de sang, et au milieu de la mare, couché sur le flanc, avec une large plaie à la tête, un. Devinez quoi? Un lion, parbleu! Non, un âne, un de ces tout petits ânes qui sont si communs en Algérie et qu'on désigne là-bas sous le nom de bourricot.